Et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission également diffusée à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman, également podcastable à partir de vos outils de podcast habituels. Et cette semaine, on reçoit le noyau dur du Tapette Fest. Salut Alex. Salut, merci à toi. Bah, merci de ta venue donc, pour décortiquer le festival du Pathos numéro 4. Ouais, le Tapette Fest 9. Toujours organisé dans le Morbihan. Et c'est la quatrième année consécutive, en effet, oui. Les 24 et 25 juin. D'accord, donc Campagnac, c'est à 3 quarts d'heure. C'est dans le Morbihan, c'est un peu la frontière avec l'Ille-et-Vilaine, on va dire. Bon, c'est Lyon, de Plouermel, tout ça, quoi. Mmh. Il est sorti. Trois quarts d'heure par la 4 voies de Rennes. D'accord, donc sur un site plutôt phénoménal, à côté de la caserne des pompiers. Eh oui, collé à la caserne des pompiers, ouais, et sous chapiteau. Avec possibilité de camper, campement Quechua, et puis... Ouais, le camping gratuit qui jouxte le site, donc. Et chapiteau. Chapiteau, voilà, deux chapiteaux. Donc, même s'il pleut, il y a moyen de s'abriter. Mais il ne pleuvra pas, apparemment. Ok. Puis s'il pleut, voilà. Bon. Il fera peut-être aussi chaud que l'an dernier, en tout cas. Programmation. Bah, la Bretagne, c'est pas si fiable que ça, ouais. Contrairement au Mans. Voilà. On va éplucher un peu toute la prog des deux jours, donc toujours aussi éclectique. Ouais. Programmation bon, qui est un peu à l'image de tout ce que tu peux organiser depuis des années, et puis aussi un peu tout au long de l'année. Je dirais qu'il y a même peut-être plus de liberté sur le festival, des choses que je n'arrive pas à faire à l'année, qui sont plus difficiles à faire au terminus, parce que c'est essentiellement là que j'organise mes concerts ou des... Plein de concerts sont difficiles à faire pour plusieurs raisons. Tu veux dire des concerts bruitistes, des concerts... Pas forcément pour le bruit, au contraire, j'ai plus tendance à prendre des concerts qui jouent fort au terminus, du fait que tout se passe dans la même pièce, qu'il n'y a pas le bar avec une salle, tout est dans le... Je me permets de faire plus de choses expérimentales au tapette, même si j'en fais de... si je continue, même si je continue d'en faire à l'année au terminus, mais ça, puis des formations un peu plus ou des projets plus ambitieux tout simplement. D'accord. Voilà, ou du reggae, des musiques festives. Voilà. Exactement. C'est une grande chenille non-stop. Ok, donc on va attaquer peut-être avec une formation belge ou parisienne ou belge. Ouais, c'est des Parisiens mais qui sont à Bruxelles maintenant. Enfin, de toute façon, je sais plus s'il reste beaucoup de Belges à Bruxelles. Et donc c'est un trio qui s'appelle, avant c'était un quatuor, maintenant c'est un trio qui s'appelle Gili Gili Goulag. Avec une formation assez originale, mine de rien. Je crois que c'est dans le circuit, je crois que c'est la seule que je connaisse. Par rapport à la harpe. Par rapport à la harpe, ouais. Et puis le côté. Enfin, dans le DIY, en tout cas, je crois que c'est quelque chose d'assez rare. Bon, il y a le duo l'étrangleuse, mais qui n'est pas tellement dans le même. Qui est un petit peu moins rock, un petit peu moins punk, ouais. Et donc voilà, là on. C'est un morceau de l'album à venir, qui va sortir dans les semaines, mois à venir, je sais plus. Donc voilà, je sais pas quel morceau tu as choisi. À ta convenance et selon tes souhaits, ils vont être exaucés. Le nouvel ordre mondial moquette. J'avais hésité entre le punition papouille des GGG, mais le nouvel ordre mondial moquette. Bah moi ça me va. Allez, c'est parti. Une exclusivité donc. We'll be right back. petite séquence pour démarrer cette émission spéciale autour de la programmation du Tapette Fest numéro 9 en compagnie de notre camarade Alex, avec tout d'abord un extrait du nouvel album de Guili Guili Goulag, Les 3G. On ne sait pas trop comment il va s'appeler cet album. Ils me l'ont dit, mais j'ai complètement zappé de le noter. Je suis désolé, c'est pas très pro. T'inquiète. Bon, je connais le nom du groupe, c'est déjà pas mal, quoi. Oui, oui. Et le nom du morceau. Et bah, peut-être qu'il va sortir sur, je sais pas, quantité de. Une ribambelle de labels. Ouais, mais la prod est vraiment bien sur celui-là. Enfin, il bénéficie d'un plus gros son. Ça a été enregistré chez. C'est un des mecs du Singe Blanc, là. Ça a été enregistré à Metz. À Metz. Puis l'autre partie, je sais plus. Mais. Donc, ouais, le son est un peu plus. On va dire compact et que le. Et dynamisé aussi, ouais. Ouais, que du EP, du Maxi qui était sorti du 4 titres. Voilà. C'est surtout en concert hein, que c'est un groupe qui gagne. Bah, il joue d'ailleurs ce soir apparemment à Bruxelles à la Péniche Tenace. Voilà donc. Et bon, on les remercie de nous avoir. Ils cherchaient à jouer à Rennes lundi encore là. Ah oui, d'accord. Ouais. Lundi de la semaine prochaine. Non, c'est ce soir là, je crois. Ah oui, d'accord. Bah, finalement, il joue la semaine dernière, je sais plus. À domicile à Bruxelles. Donc, ces anciens deux du flanc. Et tu les fais jouer donc le 25. Je peux dire exactement l'horaire même. Ça sera le samedi en tout début d'après-midi à 15h15. D'accord. Okay. 15h20, pardon. À savoir qu'il y a, un duo très très noise qui ouvre le festival à 15h. Enfin, si on accepte le concert de Jean-Luc Guillonnet à midi dans l'église. Concert gratuit. Ok. Mais donc voilà, en tout début d'après-midi, sous le gros chapiteau, voilà. D'accord, pour le déjeuner, voilà. Et le duo noise qui démarre, ce sera... C'est Gredin, avec Grégory Angstrom et William Nourdin, qui n'ont rien sorti à ce jour, bien qu'ils soient très actifs individuellement. C'est des gens qui organisent le festival Bruitisme, oui, dans l'Est. Espèce de marathon noise sur 24 heures avec une chier de groupe qui joue tous genre 10 minutes, un quart d'heure, voire moins. Ou apparemment, c'est un bordel sans nom, mais avec un état d'esprit assez cool, ouais. Ok, et juste après, donc, on a écouté Monsieur Ernest Berguez et son projet solo Sourdure, qui lui jouera le vendredi au bar, enfin au bar du festival, pardon. Donc sans doute avec son crin-crin magique, sa casquette, sa sempiternelle casquette, et ses tourneries de chaman façon Tazartes par exemple. Hein, son disque, c'est pas mal pensé à ça. Et l'an dernier... Vrai, j'ai pas eu ça comme ça, mais ouais, effectivement, ouais. Après, pour l'avoir vu en concert récemment, je trouve que le trad est vraiment bien présent, enfin le trad auvergnat, j'espère qu'il arrivera à restituer... en concert, enfin, ce qu'on disait hors antenne, moi ce que j'aime beaucoup c'est le mélange entre le côté trad et l'électronique qui du coup apporte quelque chose de déviant, de très très déviant, et qui crée une ambiance assez originale, décalée et mutante, ouais. Mais il y a un côté très très fragile là-dedans. Il utilise beaucoup d'électronique, beaucoup de pédales. Oui. Ça fait à peu près un an et demi qu'il se produit avec ce projet, lui qui fait partie de Comwald et que tu avais fait jouer aussi l'an dernier avec Orgagnès. Oui, où il était au violon aussi, ouais. Qui nous avait fait pas mal de sensations, à vrai dire. Donc, oui, ça avait joué en milieu de soirée et enfin, personne, c'était un peu la découverte pour plein de gens. Enfin, les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre et quelque chose qui a pris un... certains temps à s'installer, mais qui a fonctionné et qui a créé une sorte de transe, on peut en parler, je pense. Oui, c'est clair. Comment tu fais les ordres de passage et... c'est une bonne question. C'est une bonne question et il n'y a pas longtemps, j'ai tout chamboulé, en fait, ce qui a pu en déplaire à certains. Enfin, je pense au groupe. Hein. Bah, j'essaie d'équilibrer, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait du relief et de mettre des que des choses calmes ou violentes soient mises en valeur du fait de l'opposer avant et après. Okay. Ça va pas, comment dire, il y a pas une montée, il y a pas. Oui, oui. C'est pas les groupes. De métal qui joueront en dernier ou de la ou du rock noise pour ouais, puis des fois c'est l'effet n'est pas du tout celui qu'on il y a des c'est pas comment dire il y a des groupes de musique expérimentale qui vont dégager quelque chose de beaucoup plus violent et énergique que des groupes dits rock, enfin ouais. Bon, mais oui, enfin, c'est un peu les montagnes russes. Hein, ça, j'ai l'impression de me dire un peu tout le temps la même chose quand on me demande de parler de l'esthétique et l'évolution de la prog. Mais je pense qu'un concert de black metal sera beaucoup plus mis en valeur après. Alors du côté, non. Un groupe de dub, par exemple, non. Il n'y a pas de dub cette année au festival, mais oui, voilà, c'est, oui, de fait, ça monte, ça redescend. Croiser, bon, dans la limite du raisonnable aussi, bien sûr. Hein, c'est, Le groupe avec lequel on va poursuivre, Le Chemin de la Honte, qui joue le vendredi, c'était en ouverture. Ah ben, au départ, voilà, c'était en ouverture, et en fait, j'ai permuté un groupe du vendredi spectral au samedi, du fait qu'un groupe a annulé le samedi. Cougar Discipline, et du coup de me débarrasser du rock en premier d'en avoir très peu dans le reste de la soirée, ça me convenait pas, donc en fait ils joueront en second après Ordre Eterne qui eux sont plutôt un groupe Indus, Noise, ouais, dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, Le Chemin de la Honte, que tu as déjà fait jouer ouais. À Rennes au Terminus, hein, et qui regroupe en son sein des gens assez connus aussi pour les gens qui fréquentent cette même scène, donc notamment Monsieur Sem Norbal de la fameuse la cultissime Grande Triplette Alliance Internationale de l'Est, et qui fait partie de pas mal de groupes tels que Le Chômage, The Feeling of Love, qu'on avait vu, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs, The Feeling of Love. Je sais plus trop. Ouais, les 1400 points de suture, et puis récemment on a pu les voir aussi au sein de la Cave. Bah, il y a De la Cave au complet, hein, d'ailleurs, dans Le Chemin de la Honte. De la Cave au complet avec Liliane, la chanteuse bassiste, dans Le Chemin de la Honte, et puis et un autre bassiste, et c'est batterie, deux basses, guitare, chant. D'accord, voilà. Mais c'est deux gars de la Drôme, hein, c'est ça, hein, oui, voilà, c'est ça, de Cré. D'accord. Crest, je ne dis pas non plus. excellent festival de musique électroacoustique, d'ailleurs, à Crest. Ouais. On va écouter le fameux... Le clip. Le fameux clip. On va écouter un clip. On va écouter un clip, ouais, je pense. Ouais, c'est celui-là, non? J'ai pu voir dans cette liste-là. Oui, le Francine Parot, le fameux, peut-être on pourrait dire le tube, hein, Les Joies du Métier. Ouais. Ah non. Moi j'aime bien le premier aussi, le premier de l'album, je crois que c'est Deux Sœurs, je sais plus. Oui. Mais il est bien. Il est bien en couleur, voilà. Voilà. que defiende siempre la causa para buscar el equilibrio social. Concentra. そして単位のためにあ死ぬっていうことが人間の最も華々しいあるいは英雄的なあるいは立派な死に方だというふうに考えられています。 À l'instant dans l'asile plus sûr, une petite sélection de ce qui passera au Tapet Fest de cette année qui aura lieu les 24 et 25 juin, donc c'est dans 8-10 jours. Avec tout d'abord, on écoutait Les Chemins de la Honte, dont on a abondamment parlé, qui était enchaîné avec Rien Virgule, qui eux jouent le vendredi. Le vendredi, ouais. Là, pour la, là les trois groupes enchaînés sont le vendredi. Ouais, on est dans le vendredi, là. Ok. Donc, est-ce que c'est la peine de présenter Rien Virgule, hein, vu qu'ils ont déjà pas mal abondamment joué par ouais, ici. Ça fait un petit buzz. Oui, c'est... En fait, on peut en parler ça. Dans le mélange. Là, c'était une pièce assez électronique. Je m'en souvenais même plus. J'ai négligé un peu le disque là, ces derniers temps, là, mais... Assez chez Père, cette... Il est bien ce morceau. Ouais, ouais, cette sélection de ce 33 tours, 30 jours, à grande échelle, de Anne Careil, Jean-Marc Ria, Manuel Duval et Mathias Pontevia. Je voulais d'ailleurs vous signaler aussi que l'un des deux électroniciens de Rien Virgule, Manuel Duval, organise aussi un festival chez lui à la maison, à la République des Granges. C'est en Dordogne, début du mois de juillet, avec deux jours de programmation. Les 1er et 2 juillet, festival Caval, voilà, qu'il co-organise. C'est pas privé, ça, comme festival? Non, c'est okay. Avant, en tout cas, c'était, je sais qu'il y avait une jauge ultra limitée. Oui, il y a une jauge assez limitée, effectivement. Tu as été déjà? Non, je suis pas allé, j'ai hésité beaucoup l'an dernier, pour tout te dire, mais bon, voilà, il restait quelques petites places encore disponibles. Donc moi, j'étais beaucoup l'an dernier, je crois. Dans les raisons un peu parallèles, donc pour les 1er et 2 juillet, il y a camping aussi et buvette barbecue. De même que au festival Le Tapet à Campagnac. Ouais, c'est mieux Le Tapet quand même, que son truc, je sais pas où là. Il y a le village déjà de Campagnac qui est assez... Ouais, il y a un village, ouais, on peut y acheter du pain, des clopes... Avec le café des sortilèges ou des... Je sais plus comment ça s'appelle. Qui est, oula. Oui, le nom du bar qui est du... Il s'appelle comme ça vraiment? Oui, il y a celui qui est... J'y étais. Hein, j'ai bu des Ricards récemment, là, en avant sur une réunion, mais j'ai pas fait attention. Et le camping est gratuit. Hein. Le camping est gratuit, ouais. Oh, bah oui, le camping est gratuit. Et... Non, il y a le prix d'entrée à payer, puis voilà. Ok. Donc la troisième formation, Coagule, que tu veux nous présenter Coagule, c'est un projet de Marc O'Callaghan. Ouais. Un espagnol de Barcelone, il me semble, et qui officie aussi dans Cruz, qui joueront aussi au festival, mais le lendemain. Que dire? Que dire? Bon, c'est de la néo-industrielle par quelqu'un qui est aussi plasticien. Oui. Et donc. Ça sent le truc de beaux-ardeux anarchiste un peu, quoi. Oui, c'est assez gothique. Oui. Caricature un peu, mais bon. Il fait des performances un peu. Il est tout nu sur scène. Un peu sataniste hein, aussi. Un peu sataniste, ouais, voilà, on est un peu dans l'occultisme. Et... Alors, je n'ai qu'un virgule, c'est pas mal quand même. Un côté un peu païen. Oui, c'est ça. Enfin, c'est assez thématique, c'est assez raccord en fait. Ouais. À pouvoir clouer des pas, tu vois, en plus à côté de Brocéliande, tout ça, c'est. Non, ça tient, tout ça, quand tu réfléchis bien. Le black metal, l'expérimental pagan. Ok. T'as eu une enfance particulière, voilà, c'est pour ça. Ouais, ma mère a accouché sur un menhir, ouais. Ok. Et puis donc Ordre Eterne, que tu vas peut-être pouvoir aussi nous... Parce qu'il y a deux formations espagnoles, ce qui est... Espagnol et anglais, il y a un anglais, il y a Marc Hurtado, ouais, dedans. Et justement, ils avaient tourné avec Coagule, et ça avait été prévu de jouer à Rennes, à l'école dentaire. Il me semble que ça remonte à l'an dernier, ça. Et en fait, la tournée a été un véritable fiasco avec un routing, mais pas du tout logique. Un des membres ou le chauffeur, je sais plus, qui a eu des problèmes de santé, qui a été hospitalisé, ils ont eu un accident sur la 4 voies. Enfin, je sais plus, mais c'est hyper compliqué. Et le concert devait jouer tôt, parce qu'on n'avait pas l'autorisation pour faire de... pour que le concert continue après Après 21h30, il me semble, alors que la veille c'était à Berlin ou je sais pas où. Bref, il y avait un kilométrage assez important et après concertation, on a décidé d'annuler ce concert. Donc c'est voilà. L'occasion de se rattraper. Bah, c'est un peu l'occasion de se rattraper et voilà. Bon, donc Ordre Eterne, donc voilà, c'est formation anglo-espagnole. Ils sont deux. Et, bon, c'est dans une veine industrielle, peut-être un peu plus industrielle, oui. plus marquée, ouais. Plus marquée, plus percussive, batterie électronique, métallique, tout ça, je sais plus. Avec un dispositif qui a l'air assez chouette. Okay. Et voilà, qu'on sortit quelques disques, comptez pas sur moi pour dire sur quel label, etc. Okay, tu sais, on mettra des liens de toute façon. Ah ben non, oui, d'accord, je crois qu'on en passait un morceau. Non, c'était juste pour signaler qu'il y avait deux formations d'industriels espagnols, ce qui est assez... Et ouais, et le même soir en plus, le même jour. Ce qui est assez étonnant, enfin, du coup... Il n'y en a pas tant que ça en plus, hein. Enfin, en tout cas, ma connaissance de... Bah oui, c'est industriel espagnol, je sais pas, fin ton. Bah non, c'est pour. Oui. Il doit y en avoir, hein, mais. C'est assez rare pour être signalé, ouais, donc Coagule et. Avec chant en espagnol, hein. Oui, en plus, ouais. Ouais, Bon, les espagnols chantent souvent en espagnol en même temps, quoi. Oui. Non, mais c'est pas une blague, hein, je pensais même pas au Gypsy King ni. Mais. Non, vraiment, hein, fin de, je sais que dans les groupes punk, la plupart des groupes punk chantent en espagnol. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est pas faux. Et donc. Grind, hein, je comprends pas l'espagnol. Mais on comprend pas. Ouais, les groupes hip-hop espagnols chantent en espagnol. Vrai, hein. Pas tellement de hip-hop cette année, quasiment. Non, il n'y en a pas du tout, ouais. Bah, il n'y a pas de jazz non plus, il n'y a pas de musique de free, ni de. Il n'y avait personne pour relever le gant de Tête de Serre qui avait été la révélation du festival de l'an dernier. Bah ouais, je suis content, ça m'a fait plaisir. Apparemment, t'as acheté toutes les cassettes. Exactement. Ils t'ont fait un bon packaging. Tout à fait. La discographie pour 6 euros, un truc du genre. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, ils sont pour pas offrir trop, à ma mère. Pas trop commerçants. Mais non, bah, en fait... cherche, si tu veux, au niveau, on parlait tout à l'heure de l'équilibre et de la fluidité de la prog, je cherche pas forcément, comment dire, à essayer de dire ah bah tiens, il va falloir que je mette deux groupes de hip-hop, deux groupes de black metal, deux groupes de jazz. C'est, il y a aussi, comment dire, les opportunités qui font, et puis puis l'envie qui n'est pas forcément la même en fonction des années. Après j'aurais eu des opportunités, on m'aurait branché pour faire Peter Brodsman par exemple, bien sûr. J'aurais dit oui ou je sais pas, là j'ai pas de référence hip-hop qui me viennent à l'esprit là, mais non, il y a pas de hip-hop cette année. Bon, mais il y a Mutterline que tu vas peut-être nous présenter aussi, parce que c'est une formation que je ne connaissais pas du tout non plus, à vrai dire. Ouais, mais c'est un projet qui est récent. Enfin, en tout cas, c'est leur premier album qui est sorti récemment. Bien qu'ils fassent des concerts depuis un certain temps, il me semble. Je sais pas. Imagerie assez métal. Ouais, il y a un peu d'occultisme aussi. Oui, oui. Et en fait, ils sont en Bretagne depuis peu, et dedans, on retrouve des anciens Overmars, dont la chanteuse, voilà. C'est groupe féminin, pas mal. Enfin, c'est féminin, ouais. Voilà. D'ailleurs, le premier morceau de l'album qu'on va s'écouter s'appelle Lesbians, voilà, qui en dit long. Wars and Witches. C'est ça. Oui, Lesbian Wars and Witches. Et ouais. Vous êtes toujours dans l'Asile le plus sûr avec une séquence très très longue. Là, on a fait, je crois, au moins une demi-heure, ou je ne sais pas, avec quatre titres. Donc, comme tu disais, pour le Tapette Fest numéro 9, c'est un peu la fête à la guitare. Bah ouais, c'est complètement la fête à la guitare. Je me rends compte en écoutant ta sélection. Je me rends compte que c'est hyper festif aussi, mine de rien, tout ça là. Oui, oui, c'est vrai. C'est... Les gens ont encore envie de venir. Il y a un multi-son hein, en même temps. Que le Tapette. Donc il y a moyen dans le quartier, ouais. De cumuler en fait, de faire. Ah non, surtout d'aller là-bas, quoi. Surtout d'aller au multisons. Ceux qui veulent faire la fête, ceux qui veulent venir tirer la gueule, bah, venez avec nous. Et... Donc voilà. Donc c'est toujours la semaine prochaine, les 24 et 25 juin. les 24 heures, ouais. Les 24 et 25 juin, ouais. Ouais, les 24 heures, le vendredi, samedi, au Tapette à Campagnac, à une trois quarts d'heure de Rennes. Plus d'informations d'ailleurs sur le site. Le site est pas mal, il faut aller faire un saut. Ouais. Acheter des places dessus d'ailleurs, on peut aussi. Oui, il y a un tarif pour les deux soirs, il y a moyen d'acheter les places par avance. Ouais. Tout ça de manière dématérialisée. Ouais. Donc, non mais ouais, il est pas mal le site tapetefest.com, hein, c'est tout simple, voilà. Ok, et donc on Google tout ça quoi. On a enchaîné le titre de Mutterline avec Satan, donc album assez fantabulesque, hein, l'odeur du sang. L'odeur du sang, ouais, c'est un EP qui un 12 pouces qui tourne en 45 tours avec un super son enregistré par l'ami Yann Dapsil de Toulouse et qui a fait du super boulot. Enfin, moi je suis assez fan du son avec un côté très rock'n'roll, très rentre dedans avec un super son de guitare et puis un qui est très compréhensible, hein, le son de guitare limite surf, et puis un chant en français, et quand on lit les, parce qu'il y a les textes sur l'insert sur le Bandcamp aussi d'ailleurs, ils les ont mis, on arrive presque à comprendre les paroles en français un peu abstraites de Léo Riton Lamort qui fait aussi de beaux dessins et qui a fait l'affiche pour la mini tournée Sync 202 Project. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Et c'est pas eux qui ont leur pochette aussi qui a été faite par Paquito. Ça, c'est Paquito Bolino. Ouais. Tout à fait. Oui, voilà. Bon, on connaît bien le style Paquito Bolino, bien bordélique, avec plein de couleurs, des croix plantées dans le crâne, ou je sais plus. Des vers qui partent de partout. Des vers qui sortent des orifices. Enfin, Paquito Bolino, voilà. C'est, et ils sont qui, de. Ils sont de Grenoble. Voilà. Ok. Donc, bah, la rousse de fer. Le disque est terrible. Hein. Ils vendent 8-10 euros de la main à la main. Je crois que c'est Witch Bukake Record, qui est le label de. Du bassiste qui a sorti ça, enfin peut-être c'est une coprod, je sais plus, mais en tout cas c'est vraiment un super disque. Et donc ça jouera le... Le samedi très très tard. Ok, bah, ça peut être vraiment très tard. C'est pas mal parce que t'as fait un ordre qui est, je sais pas si c'est voulu, si t'as fait exprès, mais on a écouté Mutterline, qui sera ensuite suivi de Sync, que l'on a écouté juste après... Tout ça le samedi. Ouais. Et ensuite enchaîné avec Crous de Marc Olagan, okay. Encore la fête à la guitare, hein. et ensuite Satan, voilà. Et Sync, donc des Finnois, des Finlandais, pardon. Des Finlandais, ouais. Bon, moi c'est un peu ma tête d'affiche à moi, hein. c'est je voulais les faire venir exprès pour le festival. Parce que t'es hyper fan depuis. Ah ben ouais. Puis c'est un groupe qui. Bah déjà c'est les Scandinaves, hein, c'est les Finlandais, hein, donc. Enfin moi je suis assez fan de ce qui se passe par là-bas. Je trouve qu'il y a des groupes avec des, je sais pas, d'entités assez fortes et qui cherchent pas à ressembler. Enfin. Puis surtout en particulièrement Sync, hein, qui toute leur production, ça fait, je crois qu'ils existent depuis 2007, 2008, peut-être un peu avant, 2005, je sais plus. Okay. Et où chaque production est complètement différente. Et puis comme je disais, en ayant une identité aussi à eux, quoi. Oh bah ouais, complètement, ouais. Et ça, c'est un morceau du dernier album qui sort ce vendredi 17, sur un label finlandais qui s'appelle Svart Record. Et où on retrouve un groupe qui fait un buzz depuis un certain temps, qui s'appelle Oranssi Pazuzu, groupe de black metal psychédélique, plus rock, hein, plus rock que Sync quand même. Hein. Sync sont dans une veine, comment dire, plus sombre, plus occulte, avec une là qui s'oriente vers un côté plus folk, on va dire. Oui. Folk pagan, la scandinave. Mais l'album est assez déroutant. Enfin, il est. Oui, mais il montre un peu tout l'étendue, hein, de ce qu'ils peuvent faire. Il y a des choses un peu plus rock, il y a des choses un peu plus synthétiques aussi. Ouais, des côtés un peu Heavenly Voices aussi, des voix féminines. Alors ça, par contre, t'as du mal, ouais. Oui, c'est ce qui me. Il y aura pas de filles avec Yvienne 4-3 là. Ça me rassure. Sur disque, ils sont 6 avec du violon. Là, sera comment dire en formation. Rock, mais avec un peu d'électronique aussi, je pense, des sampleurs, etc. Mais je pense que ça va être très très bien. Hein. J'en suis convaincu même. Hors antenne, hein, je trouve que c'est un peu la lignée Coil, même les Pink Dots sont pas très loin, enfin des choses genre comme ça. Quoi. Ah bah c'est des fans de Coil, Psychic TV, sur le EP d'avant, ils avaient samplé Genesis Pure Ridge, c'est des gens de toute façon qui sont fans de musique industrielle. Oui. À l'ancienne, hein, l'album, on est plus dans cette veine de black metal là que purement raw black metal, oui. D'influence métal, on va dire. C'est black metal arty, quoi. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, l'album s'intitule Arc of Contempt and Anger. Ouais, ouais, voilà, on est encore dans les beaux-arts. Mais c'est un festival de beaux-arts 2, hein, vraiment, quoi. On met des caravanes histoire 2 pour faire pour les spectateurs, genre, mais... ouais, c'est sûr. C'est vrai, non, mais ça passe au musée, ce truc, quoi. Et le dernier titre qui terminait la séquence, qui refermait la séquence, c'était Seabuck Sorn. Seabuck Sorn, ouais. Mm. Un anglais, ouais. Un anglais. Guitare 12 cordes. Et ça, c'est un peu la découverte en ce qui me concerne aussi. Parce que... je connaissais pas, en fait. C'est l'ami Jean-Louis, Music Alambic, l'a fait jouer au Panama, apparemment, il y a un an ou deux, peut-être deux, je sais plus. Enfin, j'étais même pas au courant de ce concert-là. Et donc, que dire ouais, voilà. C'est assez du solo 6-12 cordes. Il utilise pas mal aussi d'effets et de enfin, il y a vraiment un côté aussi un peu band, un peu drone. Il y a un côté assez hypnotique là-dedans, ouais. Ouais, moi ça me fait pas mal penser aussi à des gens comme Natural Snow Buildings, des gens comme ça. Enfin voilà. Je connais pas. Enfin bon. Ils ont grind. Enfin voilà, c'est des gens qui font du folk, mais de manière très très sombre, comme tu dois aimer, je suppose. Oh bah oui. Bon, de toute façon, la motivation est là, quoi. Le refus de la fête et de la bonne humeur, quoi. Eh ben, on va pouvoir continuer un peu dans le registre avec Vomir. Ah bah. Donc Marc, que tu peux peut-être. c'est pas toi qui t'es tapé toute la discographie en 4 jours de Roro Perrault, de Romain Perrault, alias Vomir. Oui, ah bah alors, non. Bah, c'est que dire sur Romain Perrault, c'est un peu le maître en la matière, peut-être. Avec des titres très arty d'ailleurs, lui aussi. Ah bah lui, oui, par contre, alors lui c'est. je crois que c'est complètement le contraire. Il a même fait un split avec les bourrins de Kickback, pour ceux qui connaissent. Groupe avec une attitude plus que douteuse de hardcore metal très très masculin, on va dire, et disque que j'aimerais bien voir, ceci dit. Et donc là on est dans le mur, c'est plus que de la harsh noise, c'est du mur de bruit, ce qu'on appelle de HNW, du harsh noise wall. Et ce qui est à l'arrivée, moi je trouve ça provoque le contraire de l'effet de la harsh noise, je trouve, dans le sens où il y a, comment dire, cette espèce de tapis de bruit fait que c'est quelque chose de très rassurant et très reposant. Ça malaxe le. Ouais, ça malaxe bien la tête. C'est quelque chose qui marche bien sur la durée, où on finit par entendre des sons qu'il n'y a pas. Mm. Et il y a de la texture. Oui, oui, c'est très granuleux. C'est très granuleux. Presque chatoyant. C'est. Ouais, on pourrait même presque parler d'ambiance, quoi. On peut l'écouter à plusieurs volumes pour s'endormir. Surtout quand on a des acouphènes, c'est pas mal, quoi. Ça permet de se focaliser sur autre chose, sur quelque chose de rassurant. Et ça marche aussi à fort volume. Conan écoute ça tous les soirs avant de se coucher. Conan, pour le calmer, Nobody's Ugly de Consumer Electronique, c'est quelque chose qui le calme. Hein. De toute façon, plus la musique violente marche très très bien sur les enfants. Hein. Ça, c'est quelque chose. T'es un gros nounours. Oui, oui. Bon, ça, on lui a pas expliqué, hein, mais on lui a pas montré les vidéos aussi qu'ils projettent lors de leur concert. Hein, comme apparemment les vidéos infectes qu'ils avaient passées au Festival Câble du temps de. C'est avec White House, je crois, ou Consumer Electronique, je sais plus. Ouais, ils avaient joué en solo, ils avaient joué tous les. Il y avait le dernier concert de White House. Ouais, White House, je crois qu'ils avaient fait un concert alors qu'ils avaient arrêté. Oui, c'est ça, c'était la toute fin. Ouais, ils avaient pas projeté des films pédophiles ou. Ouais, oui, bon, il y a toujours. Ça se rapproche très très arty du. Voilà, c'est le côté Coom Transmission. Voilà, ça continue. Oui, oui. Mais Romain, je crois, n'est pas du tout là-dedans. Hein. Ah non, d'après ce que j'ai l'impression, ouais. Ouais. On s'est un peu égaré là, mais. Juste pour te demander, quand est-ce que tu fais jouer à quelle heure Tout ce qu'on a cité là. Ou le Vomir. Vomir, alors vomir. Vomir, il me semble que c'est pour manger. D'accord. C'est donc 19h10 par là, je crois que c'est quelque chose du genre. On fera une petite pause sonore avant Vomir. Je crois que c'est le seul moment où il n'y aura pas de son pendant le festival. On va faire une petite pause de 20 minutes de son avant Vomir. Pas de DJ, rien. Donc pour l'apéro. Pour l'apéro, ouais, ou pour manger. Pour manger, ouais. Et ben on va écouter un titre, non pas de Vomir Seul, mais de Vomir avec Marc Hurtado de Étant Donné. Eh ben Marc Hurtado aussi de Ordre Éterne. Oh bah tout se recoupe. Hein. Tout se recoupe, c'est fabuleux, j'ai même pas fait exprès en plus quoi. Waouh. Effectivement. C'est pas évident de parler après ça. Et non. Et donc, ça, c'était Gabriel Salomon, donc le Canadien que tu fais jouer premier soir du Tapet Fest. Alors, en fait, c'est une collab avec Gabriel Salomon, donc est Canadien. C'est un ancien Yellow Swans. Ouais. Il y a Pete Swanson, lui, qui s'est barré dans des délires plus électro-techno, on va dire. Oui, en même temps, bon, les Yellow Swans avaient une pléthore de cordes à leur actif. Enfin, voilà, ils ont une production phénoménale, oui. Là, on est plus proche, comment dire, dans la fin de Yellow Swans, même si c'était beaucoup plus, plus rythmé, on va dire. Plus rythmé, plus industriel. Ouais, voilà, power électronique. Ouais. Mais il y avait sur le je sais plus comment il s'appelle le dernier album qui est gris là. Je sais plus les titres par contre. Bon, peu importe. Ouais, enfin en tout cas là on est bien dans l'ambiance dark bien comme il faut. Et donc en fait Gabriel Salomon est en tournée au mois de juin avec Common Aider, King Aider, des Américains de San Francisco. Où l'on retrouve un ancien de D-Roof. Et d'accord. Un gars du label Aquarius Records. Apparemment, c'est un. Le distributeur le, ouais, le. Ouais, et qui a un super vieux magasin de disques à San Francisco. Oui. Et, mais carrément, qui est des années 70. Hein. Oui, et qui dépote autant dans les musiques nouvelles bizarres. Ouais, avec un catalogue. Enfin, j'ai regardé encore tout à l'heure parce que bon, j'ai essayé de me renseigner un tout petit peu avant de venir. Enfin, vite fait, c'est la seule chose dont j'ai regardé d'ailleurs, c'était ça sur Discog. Elle est très préparée cette émission. ouais. Bon, j'ai. Et. Oui. Ah bah Aquarius, oui, ça fait partie des choses. Si, ils ont sorti un CDR, je crois, en 2006 ou 2008 de The Body. Voilà, c'était le seul groupe que je connaissais dans la liste des productions. Ok. Et donc voilà, en fait, sur cette tournée, il y a Common Aider et King Aider qui jouent, puis Gabriel Salomon, et là, je ne pouvais pas faire les deux, je leur ai proposé de faire une collab. Et ils vont faire une collab. Parce qu'apparemment, il y a un disque prévu avec... Donc c'est une création. C'est une création, mais non, apparemment qui n'est pas inhabituelle, qui leur est pas étrangère, dans le sens où ils ont un disque de prévu ensemble. Et Common Aider, King Aider, comment dire, c'est une sorte de doom ambient drone, ouais, très expé quand même. C'est pas du doom metal, hein, mais c'est très rythmé quand même, très... Et ça jouera plutôt en clôture du premier soir. Ça, c'est le vendredi soir après Will Fall. Ah, avant le feu d'artifice. Ouais, ça vers 10h30, par là. Ok. Avant Coagule, il me semble. Donc le 24, vendredi 24 juin pour le Tapet Fest numéro 9 à Campaneac. Et c'est un label rennais, pardon, je te coupe, qui a sorti le Gabriel Salomon. Ah bah c'est, oui. Shelter Press, oui, Bartholomé, que je salue d'ailleurs, que j'ai croisé vendredi dernier. Et que, ouais, bah j'espère que, en tout cas, on se croisera au festival. Oui. Si tu nous écoutes, hein, si tu veux venir vendre des... écouler tes disques de Gabriel Salomon, écoute, ça tu es le bienvenu. Bartholomé, sans qu'il y a un bac Shelter Press à Blamespot. Oui, tout à fait, ouais. Mais il me disait qu'il voilà, il était surtout connu à l'étranger, en fait, pas tellement en France. Ouais, avec son label, on discutait de ça. C'est bizarre, ça. Vendredi soir dernier, pour tout te dire. Voilà. Et effectivement, c'est assez incroyable vu la programme. Ouais, complètement. Ouais, vu la qualité de la production de Shelter Press, c'est vraiment dommage. Voilà, mais bon, en même temps. Ils sont, ouais. En tout cas, les disques sont à Blamespot, ils sont pas chers. C'est des LP à 15, 17 boules, je sais plus. Rue Poulain du Parc, donc pour les Rennais. Donc le Tapet Fest numéro 9, donc le site internet.com, tapetfest.com, avec la possibilité donc d'acheter les places et donc des possibilités de camping, de covoiturage, que sais-je. Vous êtes sûr pour du bénévolat aussi, pour ceux qui n'ont pas. Qui n'auraient pas l'argent pour payer leur passe, plus d'indications pour venir, enfin bon bref, et puis pour redécouvrir la prog, écouter des liens sur les bandcamps, des vidéos, etc. Ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Bah merci à toi. Hein. Et puis, bah, quelques autres informations, concerts avant de se quitter. Ah ouais. Avec une, voilà, rapidement. Donc, je crois que c'est le vendredi, ce 17 juin, les camarades de la Maison de la Grève qui organisent un repas de soutien et en seconde partie, un trio qui nous permettra de retrouver deux membres de Louis Minus XVI, Maxime Petit et Frédéric Lhomme, et Jasper, qui est le guitariste bassiste de Cactus Truck, excellent projet hollandais de free très très noise et très très punk, voilà. Également aussi à l'AMG la semaine prochaine, un autre concert, je crois que ce sera le mardi, soirée où vous pourrez retrouver Richard Antez, que tu connais pour l'avoir fait jouer aussi, ouais, et Thomas Gouban, ce sera le 21 juin, donc bon, ça va être la fête de la musique, quelque chose comme ça, hein, donc voilà, faites de la musique, rue Le Graveran à l'AMG. Ouais, et puis j'ai un concert aussi cette semaine, j'en profite, hein, du coup, hein, donc au Terminus, ce jeudi 16 qui vient, Niedra, groupe norvégien, avec un ancien, de la, avec, pardon, un membre de la Casa Fantôme, l'ancien batteur d'Arabrot, plus un russe, je sais plus par contre, et groupe de heavy punk, noise, dans la crust, tradition norvégienne, ouais, un peu crust, noise, et Bill Noir, one man band du Mans, post-punk, à 5€, 20h pétante, Terminus, hein, voilà. Ok, rue de Rieval. Rue de Rieval, au bout de la rue Jacques-Cartier. Ok, on se termine avec un dernier titre, et puis bah, on se dit que ce serait pas mal de terminer avec Jean-Luc Guyonnet, à l'orgue. Jean-Luc Guyonnet, donc, et oui, c'est un concert qui aura lieu, c'est une petite nouveauté, hein, dans l'histoire du festival, hein, un concert dans une église, et pas n'importe quel concert, un concert d'un solo d'orgue, hein, tant qu'à faire, avec dans l'église de Notre-Dame, de la Trinité, de la Très-Sainte-Vierge, avec des chouettes clouées, Campénéac, avec un démon, avec une des rares églises en France où il y a un démon avec des ailes. Une belle église, hein, d'ailleurs, qui a quand même une église de 1000 places quand même. Hein. Ok. Donc en concert gratuit à midi le samedi 25. Jean-Luc Guyonnet en solo d'orgue. Bah, je te remercie pour toutes ces explications. Eh bien merci, merci. Et puis donc on écoute un extrait de ce disque de Jean-Luc Guyonnet, extrait d'une production à bruit secret d'ailleurs de Michel Henrici, hein, que tu avais fait jouer l'an dernier, je crois. Ouais, il est venu deux fois, et puis la dernière fois c'était avec donc je crois qu'il est venu en solo, ou avec Aki, avec Gabriel. Oui, c'est ça. La dernière fois je crois que c'était en solo, et c'est la fois d'avant, je crois, avec avec Junko aussi, donc l'an l'an dernier. Au tapette. Attends, putain, je m'en fous. Junko, c'était avec Yves Botts. Avec Yves Botts, pardon, oui. Ouais, bah, après, c'est la même clique des Death Breeders, exactement. Ouais. Ok, bah, je te remercie en tout cas. Bah, merci Philippe. Et puis, bah, la semaine prochaine, et vous pouvez réécouter ce programme sur asile35.blogspot.fr. Bonne semaine, à bientôt, bonne nuit. Has de ser un lloc